Si on vivait dans un monde totalitaire, on apprendrait vite à se mêler de nos affaires. Fini les chicanes d'opinion, un seul maître qui régnerait d'une main de fer. Notre seul droit serait de se taire. On ne se poserait plus de questions. Si on vivait dans un monde dictatorial, un peu comme une sorte d'empire du mal, fini les prises de position, car c'est famille aurait un cousin résistant, ou bien encore un oncle en dedans. En cachette, on se raconterait leurs exploits. Les uns les autres, on se dénoncerait pour une banalité comme un vol de navet. Toute la parenté s'espionnerait, car chaque dimanche, nous irions à la réunion du parti. Et ensuite, dans les brigades de travail volontaire, mon kiki. Si on vivait dans un monde unitaire, que seul un grand guide éclaire. Hors du parti, point de salut. Les enfants auraient des foulards écarlates. Il saluerait bien bas, tous à quatre pattes. Le grand homme ou mille statues qui nous dit